Je rap masqué comme Zorro. Je continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, je m'en bats. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où Bambin on vagabondait. Moi et ma bande, tout plein de plans foireux, paré toute la soirée. Et toujours dans les coups fourrés, on courait après les ronds et les remparts faisaient du mouron. C'est malheureux, le temps qu'on perdait à galérer, à faler sur les murs, à siffler les rats, ou tirer sur le deuil que nous concoctait l'Europe. Nous, on s'imaginait mal se contenter des miettes, genre caissier chez Domac pour à peine 4000 balles. Après, pour l'argent, on était pire que des sans-sous. Mais à défaut, on s'en passait, on était bien avec ou sans sous. De toute façon, on s'en foutait, fallait s'en douter. Génération qu'avait pas de goûter, on croyait plus en aucune de leurs institutions. Sortie de l'école, dans nos têtes, c'était anarchie ou révolution. Chacun sa route, son but, ses résolutions. Mais surtout pas leur solution, nous on rêvait d'évolution. J'continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, j'm'en bats. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas, ça s'est fait tôt à l'époque où Bambin on vagabondait. J'continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, j'm'en bats. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas, ça s'est fait tôt à l'époque où Bambin on vagabondait. Moi et ma deux bancs, comme d'hab, à faire des débats dont on n'en joint jamais les deux bouts. Des fois c'est marrant, ouais, mais d'autres c'est grave. Comment les mauvaises langues peuvent faire des gueublas de mauvais goût. Je sais qu'il fallait s'attendre à des hauts et des bas, même si c'était bien beau au début. Mais c'était dur déjà de rester debout. Comment ne pas se laisser emporter par la vague. Moi la rue elle m'a eu sans drague, j'étais dos quand elle me passait la bague. Et j'étais qui pour faire changer les choses. Ouais, ils nous niquaient sous contrat même. Mais je suis avocat moi pour changer les clauses. Personne ne prenait notre défense. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse à part bosser des textes, défoncer tête basse, me trouver un bise en attendant mon buzz. Cous, on était tous clean à la base, demande à blouse. Mais bon, c'est dur de s'en sortir. Tu m'étonnes, surtout sans faire d'études. Donc des thunes, on en voulait des tonnes. J'continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, j'm'en bats. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas, ça s'est fait tôt à l'époque où Bambin on vagabondait. J'continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, j'm'en bats. J'ai pris les défauts d'un gars d'en bas, ça s'est fait tôt à l'époque où Bambin on vagabondait. Dans ma deux bancs, y'a de tout, des Biggie et des Custy comme Krusty, le sosie de Bidi, des intellos et des abrutis. Casse-couilles pour des broutis, on s'embrouillerait pour un bounty. Mon quartier, une grenade sans goupille. Une fausse manip et sa pète. Si le port bavit, nous faut sa tête. Sinon c'est pas quitte, justice n'est pas faite. Le juge qui la quitte a le nez dans la coke. Diront mes potos, pensant à ce parti trop tôt. Paraît que pour nous c'est trop tard, qu'on sera encore là dans 30 ans. 60 balles au compteur, fumer nos spliffs au ton cas. Mais peut-être bien qu'au contraire, il nous faudra pas grand temps pour voir nos salles de concert pleines et faire un ton cas. On va vous faire écouter le discours d'un pote à nous. Et on reçoit ça dans nos boîtes aux lettres chez nous. Ça veut dire que tu prends ça, t'ouvres ta boîte à lettres et t'entends à peu près ce genre de saloperie. Donc